Selon la radio CBS de Corée du Sud, la Cour suprême a jugé que le gouvernement doit payer des compensations aux familles des victimes du génocide à Daegu et dans la province du Gyeongsang du Nord pendant la dernière guerre de Corée. En juillet 1950, l'armée et la police fantoche ont tué des civils innocents, les prisonniers de Daegu, les intéressés de l'affaire de la Ligue des personnes protégées et autres nombreuses personnes.